Chapitre 16e. S'il n'avait pu saisir au passage qu'une partie de l'entretien de la parisière et de Madame Fourcy, il en avait assez entendu cependant pour comprendre la situation aussi clairement que si elle lui avait été expliquée en détail du commencement au dénouement. La parisière était le courtier de Madame Fourcy, cela et rien de plus. Par son entremise, elle avait joué à la bourse en spéculant sur les valeurs Encar. Pour lui, c'était là quelque chose de considérable, car il avait entendu de ça et là, sans jamais pouvoir les approfondir ou les démentir, les bruits qui couraient sur Madame Fourcy, et maintenant, ces insinuations qui l'avaient indignée et suffoquée tombaient devant la révélation d'un fait certain. Elle avait joué à la bourse, et c'était avec les gains qu'elle avait ainsi réalisés qu'elle avait payé les belles choses dont elle s'était entourée. Quoi de plus légitime et de plus naturel? Pourquoi n'aurait-elle pas essayé de s'enrichir puisque son mari ne l'enrichissait pas? Il était probable que pendant longtemps ses spéculations avaient été heureuses, puisqu'elle avait pu acheter ce mobilier artistique qui lui formait un cadre digne de la beauté d'une femme comme elle, mais un jour elles avaient échoué, précisément dans cette affaire Encar, et maintenant elle devait 300 000 francs. Ce qui était grave, c'était qu'elle ne les avait pas, ces 300 000 francs, et ce qui paraissait plus grave encore, c'était qu'elle ne pouvait pas s'adresser à son mari pour qu'il l'aidât à les payer, car elle avait engagé ses spéculations, à son insu bien certainement, peut-être même malgré lui, et jamais elle ne se résignerait à implorer son concours. D'ailleurs, voulut-il payer, qu'il ne le pourrait pas, probablement, car il lui serait impossible de réaliser une pareille somme du jour au lendemain. Quelle crise elle allait traverser, la pauvre femme! Il n'y avait qu'à se rappeler l'exclamation qu'elle avait poussée lorsque la parisière avait annoncé la nouvelle de la débâcle Encar pour sentir ses angoisses. Et il n'y avait qu'à se rappeler aussi l'expression désespérée de son beau visage, ordinairement si calme et si serein, pendant la fin du dîner, alors qu'elle adressait à la parisière des appels anxieux pour tâcher d'apprendre quelle était l'étendue de son désastre. Ce mutisme, alors qu'elle avait si grand intérêt à connaître la vérité, n'était-il pas la meilleure preuve qu'elle devait se cacher de son mari? Sans cela, n'eût-elle point parlé franchement, n'eût-elle pas interrogé la parisière? Et c'était quand elle éprouvait de pareilles tortures qu'il avait eu la misérable pensée de s'imaginer qu'il pouvait exister une liaison entre elle et ce monstre de la parisière. Comment expirait-il jamais un crime aussi abominable? Quelle honte pour lui, quel remords! Ah, comme il aurait voulu se jeter à ses genoux, avouer ses mauvaises pensées, et se les faire pardonner dans un élan de tendresse. Cependant, à sa honte et à ses remords, de même qu'à la douleur que lui causait le désespoir de sa maîtresse, se mêlait un sentiment de joie et d'espérance. Il allait pouvoir lui venir en aide, et lui prouver enfin que ce qu'il lui avait dit et répété si souvent qu'il était prêt à tout pour elle n'était point une vaine parole. Jusque-là, il avait eu toutes les peines du monde à lui faire accepter les cadeaux qu'il avait tant de joie à lui offrir, et le plus souvent, il avait été obligé d'en atténuer la valeur réelle pour les lui imposer, ayant à lutter contre des scrupules et des répugnances presque invincibles. Mais à cette heure, il allait bien falloir qu'elle cédât. Ce n'était point de bijoux plus ou moins riches qu'il s'agissait, de perles, de diamants, de pierreries, qu'elle pouvait refuser, et qu'elle avait en effet toujours refusé en disant qu'un bouquet de violettes d'un sou offert tendrement lui faisait un aussi grand plaisir qu'une rose en diamant. Maintenant, elle n'allait plus se fâcher contre lui, le gronder comme elle l'avait toujours fait, lorsqu'à force d'instances et de prières, il était parvenu à vaincre ses refus. N'allait-elle pas, au contraire, éprouver un élan de joie, lorsqu'il lui apporterait les 300 000 francs qui la sauveraient? Assurément, elle voudrait les refuser. Elle lui dirait qu'elle n'était pas une femme d'argent, qu'elle ne voulait pas qu'il y eût de l'argent entre eux. Mais après le premier moment de résistance, après le premier mouvement de révolte et de sa dignité, elle se jetterait dans ses bras, heureuse et fière de cette preuve d'amour. Ce serait alors que, profitant de son émotion, il avouerait comment il avait surpris les paroles de la parisière et les soupçons qui, tout d'abord, avaient affolé son esprit, car pour la tranquillité de sa conscience, il lui fallait cette confession. Et elle était si bonne, si indulgente, qu'elle lui pardonnerait. Alors ce serait une vie nouvelle qui commencerait pour eux, ou plutôt ce serait la continuation de ce qui existait en ces derniers temps. Car elle n'oserait plus bien certainement parler de rupture ni même d'éloignement. Ses craintes seraient étouffées par les transports de sa gratitude. Que peut-on refuser à celui qui vous sauve? Que ne veut-on pas faire pour lui? C'était dans sa chambre qu'il raisonnait ainsi, allant de déduction en déduction. Arrivé à cette conclusion, il sauta bas de son lit, entraîné par la joie. Il ne pouvait plus rester en place. Il fallait marcher et, par le mouvement, épuiser sa surexcitation fiévreuse. Pendant assez longtemps, il tourna autour de sa chambre, ne s'arrêtant que pour se mettre à sa fenêtre et respirer pendant quelques instants l'air frais de la nuit. Alors, il écouta. Tout dormait dans la maison silencieuse. Au moins, tout semblait dormir. Mais elle, la pauvre femme, sûrement, elle ne dormait pas. En proie à l'inquiétude, elle se tourmentait, cherchant comment elle ferait face aux difficultés qui l'enveloppaient. Et elle ne se doutait pas que sur le même toit qu'elle, à quelques pas d'elle, il y avait un homme qui lui aussi ne dormait pas et qui, après avoir cherché comme elle à sortir des difficultés de cette situation, venait de trouver le moyen de la sauver. Il était bien simple, ce moyen. Emprunter 300 000 francs n'importe à quel prix et les lui apporter pour qu'elle les remît à la parisière. Seulement, il fallait trouver à emprunter ces 300 000 francs, et cela était moins simple. Il n'était qu'un mineur, et si son père ne consentait pas enfin à son émancipation, près de 2 années encore s'écouleraient avant qu'il fût mis en possession de la part de fortune de sa mère qui lui revenait. Or, il savait par expérience que les mineurs, même quand ils auront prochainement et sûrement une belle fortune, ne trouvent pas facilement des prêteurs. En ces derniers temps, ses revenus étant épuisés, il avait été obligé de recourir à des emprunts, et ça avait été après toutes sortes de démarches, de négociations, de délais et de temps perdu qu'il avait pu se faire remettre 200 000 francs par l'usurier Carban, qu'il avait égorgé. À ce moment, il avait pu se résigner à ces négociations et à ces délais, attendu qu'il ne s'agissait alors pour lui que d'une fantaisie, qui, si charmante qu'elle lui parut, et si fort qu'elle lui tint un cœur, pouvait, sans inconvénient, être retardée dans sa réalisation. Un jour qu'il avait voulu faire un cadeau à Madame Fourcy, elle l'avait accueilli avec des reproches. Alors il avait imaginé, pour vaincre une bonne fois cette résistance, de lui en faire un tous les jours, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il l'eût réduite à rire de cette plaisanterie. Et ça avait été à cela que lui avaient servi les 200 000 francs de Carban. Un soir, il lui avait offert des boutons d'oreilles en diamant. Elle s'était fâchée, sérieusement fâchée. Le lendemain, il lui avait offert une bague. Elle s'était fâchée encore, mais un peu moins fort. Le troisième jour, quand elle l'avait vu mettre au poignet un bracelet, elle n'avait poussé qu'une exclamation. Et le quatrième, quand il lui avait attaché un collier au cou, elle avait ri en l'embrassant tendrement. Mais maintenant, il ne pouvait plus subir ni négociation ni délai. Il lui fallait l'argent tout de suite. Dût-il pour l'obtenir se laisser égorger bien mieux encore que la première fois? Que lui importait le prix dont il paierait cet argent? La seule chose qu'il vit et qui le toucha, c'était le plaisir qu'il ferait à Geneviève en lui apportant ses 300 000 francs. « J'ai entendu ton entretien avec la parisière. »« Et quoi ? Je sais que tu dois lui payer 300 000 francs avant samedi. »« Mais ne t'inquiète pas, reste tranquille. »« Cependant, les voilà !»« Quel coup de théâtre !» La joie qu'il allait voir dans ses yeux, l'élan avec lequel elle allait le serrer dans ses bras, ne valait-il pas tout l'argent du monde ? Car c'était ainsi que, décidément, il procéderait. Tout d'abord, il avait pensé à lui dire qu'elle devait rester tranquillement à Nogent pendant qu'il allait se rendre à Paris pour arranger ce prêt de 300 000 francs. Mais il avait renoncé à cette idée trop plate. Le coup de théâtre valait mieux. Il était plus original. Et puis il promettait des joies plus grandes. À la vérité, ce moyen avait cela de mauvais qu'il la laissait plus longtemps livrée à l'angoisse. Mais serait-elle vraiment à l'abri de l'angoisse pendant qu'elle le serait à Paris à la recherche de cet argent? S'il ne revenait pas tout de suite, ne s'imaginerait-elle pas qu'il n'avait pas réussi, qu'il ne pourrait pas réussir? Le lendemain matin, il se leva donc de bonne heure, pendant que la maison était encore endormie, et il prit un des premiers trains pour Paris.